Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous invite à une promenade au cœur de quelques-unes des plus grandes collections du monde. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ils ont pour nom Rothschild, Camondo, Guimet, Wallace, bien entendu. Ils ont investi d'immenses fortunes dans un but, réunir dans des lieux souvent merveilleux les plus beaux objets, les plus belles œuvres créées dans un domaine donné. Le dernier sur la liste s'appelle Jacques Garcia et il me fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi dans ce studio. Alors avant de vous parler de lui et de son château du champ de bataille, je vous propose de faire mieux connaissance avec un certain Richard Wallace, bien connu des Parisiens. Vous savez, c'est l'homme des fontaines Wallace, tout simplement. Et à la fin de l'émission, vous répondrez, cher Franck, à la question de Nanou sur les 13 desserts provençaux. Et oui, et aussi à celle que nous posait hier François sur la crèche de Noël. Rappelez-vous, je n'avais pas eu le temps. Eh bien, je vais prendre aujourd'hui le temps de répondre à nos deux auditeurs. En attendant, bienvenue, comme aurait dit Baudelaire, dans un monde de beauté, de luxe, de calme, de volupté. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On sait que la Rome antique comptait déjà de grands collectionneurs, dont Verrès, vous savez, qui a laissé un nom dans l'histoire parce qu'il n'était pas l'ami de Cicéron. Plus près de nous, de grands monarques ont aimé collectionner les chefs-d'œuvre. Je pense, pour ce qui est de la France, à Charles V d'abord, qui a constitué la première grande bibliothèque, vous savez, à François Ier, à Louis XIV évidemment, même si sur le chapitre des objets d'art, le roi Soleil était dépassé par son propre frère, monsieur, et surtout par son fils, Monseigneur, qui était un inépuisable chineur. On dit que Monseigneur passait son temps chez les marchands. Au XVIIIe siècle, les collections se privatisent en quelque sorte. Un Crozat, un Choiseul, un Duc d'Aumont ont réuni de fascinants ensembles, mais c'est évidemment au XIXe siècle que l'esprit de collection va culminer avec des esthètes fortunés comme le Duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe qui avait hérité tout jeune du château de Chantilly, comme les Camondo, Cernucci, David Veil, Guimet, Jacques Marandré, Rothschild bien sûr, et Schneider et Wallace. Parlons-en justement de ce monsieur Richard Wallace. On le connaît, je vous le disais à l'instant, pour les fameuses fontaines qui ornent un certain nombre des squares, des places et des rues de Paris. On le connaît aussi, évidemment, lorsqu'on voyage un peu, pour l'extraordinaire collection qu'il propose à Londres, hein, cette Wallace Collection, tout à fait extraordinaire, que j'ai eu la chance de découvrir d'ailleurs, moi, en compagnie de Jacques Garcia. Nous nous remémorerons cette visite tout à l'heure. Alors, Wallace a été un homme qui a fait beaucoup pour Paris, notamment au moment de la guerre. Vous savez, cette guerre franco-allemande de 1870, lorsque Paris est assiégé, que après le départ des Prussiens, ça va être l'insurrection, ce qu'on appelle la Commune, et puis la semaine sanglante, c'est un moment extrêmement dur. Et bien, à ce moment-là, Wallace va savoir être aux côtés des Parisiens. Vous allez voir ça dans un instant. C'est après ça qu'il va implanter les fameuses fontaines, entre autres. Il avait également, ce Wallace, constitué la plus fabuleuse des collections, qui avait avant lui été mise en place par le marquis de Hertford, collection en tableaux, en céramique, en meubles, etc. Et en étoffe, et j'en passe, et des meilleurs. Les origines de Richard Wallace, en soi, sont un véritable mystère. Officiellement, quand je dis officiellement, en tout cas c'est la version qu'ont retenue la plupart des biographes, il est le fils naturel de Richard Seymour Conway, qui était le 4e marquis d'Hertford. Donc, il est un enfant naturel d'Hertford, si vous voulez. Ce Hertford qui possède non seulement une des plus grandes fortunes d'Europe, mais qui a réalisé la plus grande, la plus impressionnante collection d'objets d'art de son temps. Et il aurait eu cet enfant avec Agnès Jackson, née Wallace. Donc le petit Wallace est britannique, il naît à Londres, semble-t-il, parce que pour autant qu'on sache, le 26 juillet 1818. On est à l'époque de la Restauration en France. Il prend le nom de jeune fille de sa mère, comme souvent les enfants naturels, hein, il devient donc Richard Wallace. Ces Wallace sont une illustre famille d'Écosse. Rappelez-vous le célèbre William Wallace, si vous avez vu le film Braveheart, vous savez, c'est lui, William Wallace, chevalier du XIIIe siècle. Mais c'est cette famille-là. Donc Richard Wallace ne serait pas le fils de Richard Seymour Conway. Ça, c'est ce que nous dit l'une de ses biographes récentes. Elle s'appelle Lydie Perrot. Elle descend elle-même, d'ailleurs, les pupilles de Lord Hertford. Et elle révèle, dans un livre qui s'appelle La fortune de Richard Wallace, qui est paru là, il y a quelques années, elle nous dit qu'en vérité, ce Richard aurait été abandonné très jeune, élevé par une concierge, transporté en France et confié, simplement, et c'est comme ça qu'il arrive chez les Hertford, il aurait été confié à la marquise de Hertford, qu'on surnommait Mimi dans la famille. C'était la mère du fameux Richard Seymour, le propriétaire de la collection. Et elle l'aurait, cette marquise, elle aurait élevé cet enfant comme s'il était son petit-fils, si vous voulez. Elle l'aurait élevé à son domicile parisien de la rue Taitbout. La famille Hertford est très importante, très proche des cercles de pouvoir britanniques. Ses membres ont occupé des fonctions prestigieuses auprès des rois George III, George IV. D'ailleurs, Mimi elle-même, pendant 14 ans, a été l'égérie, c'est le moins qu'on puisse dire, du prince régent, le grand ennemi de Napoléon, vous savez. Or, ces Hertford n'ont pas choisi de s'installer en France par hasard. Ils ont connu pendant toute la Révolution et surtout pendant la Terreur cette société très élégante qui arrivait de Versailles, qui était ce qu'on appelle les émigrés. Et la famille est devenue très francophile. Et au moment de la paix d'Amiens avec Bonaparte en 1802, ils ont décidé de venir s'installer en France, à Paris, boulevard des Italiens. Et un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, c'est au début de la monarchie de Juillet, ils investiront dans le pavillon de Bagatelle qui avait été bâti avant la Révolution, enfin qui avait été transformé avant la Révolution, pour le comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI. Alors revenons à notre Mimi. Elle a donc deux fils, Lord Seymour et Lord Hertford. Alors Seymour, c'est l'homme très riche, personnage extravagant. Il est devenu populaire, on l'appelait Milord à Paris, et même certains l'avaient surnommé Milord Larsouille, du nom d'une figure de carnaval. C'est ce fameux Milord Larsouille, vous savez, qui a introduit la boxe en France, a introduit le turf aussi. Il a fondé le Jockey Club, dont il a été le premier président. Il meurt en 1859. Et puis donc son frère, Hertford, qui lui va se consacrer essentiellement à sa collection avec des moyens financiers un peu plus limités, mais avec un goût. Vous savez, la limite de moyens, ça permet aussi de distinguer les choses et de choisir ce qu'il y a de mieux, en quelque sorte. Alors c'est un homme assez énigmatique, hein, ce Hertford, fin politique, très proche de Napoléon III, dont il fréquente assidûment le cercle le plus intime. Et c'est lui dont Richard Wallace va prétendre être le fils. Or, nous dit toujours Lydie Perrault, ce n'est pas possible. Il n'a pas pu être son fils. Et le principal argument, et vous avouerez qu'il n'est pas mince, c'est que ce Richard Seymour, ce marquis d'Hertford, souffrait de stérilité, nous dit-elle. Et elle assure avoir eu accès à des archives familiales, etc., qui permettent de l'affirmer. Donc, toujours est-il que Richard Wallace va servir, comment dire, de page, d'infirmier, d'homme à tout faire, disons de chevalier servant de cette Mimi qu'il a élevée en quelque sorte. Il va se mettre à travailler pour Lord Hertford en tant qu'assistant conseiller commercial. Il le présente tout de suite comme son père. Lui-même tombe amoureux de Julie Castelnau. Il l'a rencontrée, on est vraiment dans ces histoires à la Balzac, vous savez, il la rencontre dans une boutique de parfums Passage des Saumons. Et alors c'est la grande romance. Elle va lui donner un fils, il a 24 ans à l'époque, en 1842, qui est le futur Saint-Cyrien Edmond Georges Wallace. Et puis, il va essayer de présenter sa femme à celui qu'il considère comme son père, mais le marquis d'Hertford n'approuve pas du tout cette union. Il va falloir, pour que ces deux-là se marient, attendre la mort d'Hertford, c'est-à-dire qu'ils vont vivre comme ça pendant 30 ans, jusqu'en 1871. Et à ce moment-là, non seulement Richard Wallace va pouvoir se marier, mais surtout, il va pouvoir disposer de la fortune Hertford. Brahms sur Europe 1, un extrait de la danse hongroise numéro 19. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Richard Wallace. Alors son père, ou celui qu'il présente comme tel, le fameux marquis Hertford, meurt le 25 août 1870. C'est une date qui n'est pas banale, ça, puisqu'on est en pleine guerre franco-prussienne. Napoléon III vient de partir pour la guerre, et on sait ce qui va se passer très peu de temps après, puisque c'est le 4 septembre 1870 que l'armée française s'écrase, s'effondre à Sedan, et que s'effondre par la même occasion le Second Empire, du reste. Donc, vous voyez que c'est une période très troublée, le moment où meurt ce marquis d'Hertford. Il est célibataire, il est sans enfant, en tout cas officiel. Il laisse une immense fortune. Or, il aurait laissé un testament, ça tombe bien, dites-moi, dans sa chambre. Vous avouerez quand même que c'est pas mal. Et il lègue l'intégralité de ses biens à son secrétaire, Richard Wallace, qui a retrouvé le testament dans sa chambre. C'est formidable. Donc, selon Lydie Perrot, Richard Wallace aurait dissimulé une partie des dernières volontés de Richard Seymour. C'est une possibilité. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il se retrouve à la tête d'un phénoménal héritage de 60 millions de francs or de l'époque. Ce qui est considérable, bien entendu. Et je ne parle pas de toutes les propriétés en Grande-Bretagne, en France. Enfin, il y en a des deux côtés de la Manche, bien entendu. Alors, ce qui est assez beau chez ce Richard Wallace, c'est que, on ne sait pas comment il a hérité cette fortune, mais ce qui est certain, c'est qu'il va bien l'utiliser. D'abord, il va la mettre au service des Parisiens. Il ne faut jamais oublier, on l'a surnommé le bienfaiteur de Paris. Et ce n'est pas un hasard, vous savez. Il vient en aide aux malheureux qui n'ont pas de logement dans le 4e arrondissement où il habite. Il va constituer un comité de secours. Il fait distribuer des bons de nourriture. Il dote le 13e corps d'armée d'ambulances de campagne. On est pendant cette période du siège de Paris. Il va installer un hôpital au rez-de-chaussée de son hôtel boulevard des Italiens. Il crée le Hertford British Hospital qui va devenir l'actuel institut hospitalier franco-britannique de Levallois-Perret, vous savez. Il est dans une attitude très généreuse. Voilà ce que dira de lui le duc de Morny, qui a la dent dure, mais ça, on est un petit peu plus tôt. Morny disait qu'il avait énormément de maisons et qu'il ne les utilisait pas. Ce qui est certain, c'est que Wallace va essayer de doter Paris d'approvisionnement en eau. Paris a de gros soucis d'approvisionnement en eau potable à la suite de ce siège. Vous savez, la plupart des aqueducs ont été détruits. Le prix de l'eau a considérablement augmenté. Et ce que va faire Wallace, c'est d'utiliser tous les puits disponibles pour créer des fontaines. Il crée 50 fontaines à boire installées aux endroits les plus utiles pour permettre aux passants de se désaltérer. Et aujourd'hui encore, une des rares sources d'eau potable à Paris pour les indigents, pour les SDF, etc., ce sont les fameuses fontaines Wallace, vous savez, qu'il a fait d'ailleurs sur le modèle des fontaines qui existaient à Londres. Alors il y a trois modèles de ces fontaines à Paris, qui sont tous les trois signés du sculpteur Charles Lebourg. La plus grande, c'est la grande fontaine Wallace de 3 mètres de haut, vous savez, qui présente des cariatides de style Renaissance, un petit peu inspiré par ce que Germain Pilon avait fait à la fontaine des Innocents. Vous avez le modèle dit applique qu'on colle le long des murs, et puis vous avez un petit modèle qui moi me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Vous savez, c'est ces petites fontaines un peu qui représentent des petites colonnes comme des pilastres à quatre. Elles sont à quatre angles, si vous voulez. Et ces petites fontaines, elles seront mises en place à partir de 1870-73. Elles vont permettre d'alimenter le moindre quartier en eau. La ville de Paris en commandera par ailleurs 30 supplémentaires, ce qui fait qu'à la fin du 19e, on aura 86 fontaines Wallace ou post-Wallace en service dans Paris. Aujourd'hui, on en dénombre encore 119. Mais il est vrai qu'assez rares sont celles qui sont de véritables modèles d'époque. Alors, Robert Wallace vit, je vous l'ai dit, entre deux résidences, la rue Lafitte à Paris, et puis son très beau domaine de Bagatelle, qui est encore actuellement les jardins de Bagatelle. Vous savez, dans le bois de Boulogne. Alors ça, c'est un endroit tout à fait extraordinaire qui avait été construit par et pour le maréchal d'Estrées sous Louis XV. C'était une de ces folies de plaisir, vous savez, une maison où l'on venait pour faire des dîners un peu coquins, et même carrément très coquins. Ce pavillon, il plaît énormément au comte d'Artois, celui qui deviendra plus tard Charles X, donc le beau-frère de Marie-Antoinette, si vous voulez. Et il va faire avec Marie-Antoinette ce fameux Paris, construire un nouveau pavillon à Bagatelle en l'espace de 2 mois, c'est-à-dire le temps du séjour de la cour à Fontainebleau. Marie-Antoinette dit chiche en quelque sorte, et le comte d'Artois va pousser les feux. Finalement, on arrive à construire en 64 jours, on arrive à construire cet extraordinaire pavillon. Le comte d'Artois a remporté son pari. Alors après, sous la Révolution, ce sera confisqué. En 1806, le Bagatelle est racheté par Duroc, c'est Napoléon qui le lui a demandé. Et puis sous la Restauration, le comte d'Artois en fait don à la duchesse de Berry, et c'est seulement après la Révolution révolution de 1830 que Louis-Philippe va aliéner le domaine et c'est à ce moment-là qu'il sera acheté par le marquis d'Hertford. Voilà comment il finit par faire partie, comment dirais-je, par être la pépite, par être le fleuron de l'héritage de Richard Wallace. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous contez la vie de Richard Wallace. Alors, ce Richard Wallace, donc, a hérité la fabuleuse collection de ce Francis Seymour Conway, de ce marquis d'Hertford, qu'il présente comme son père. Il aurait été l'enfant naturel, mais encore une fois, sa biographe la mieux informée nous dit qu'il n'en est rien, qu'il aurait un peu usurpé cette paternité. Toujours est-il que la collection, elle, n'est pas usurpée, elle est extraordinaire, d'abord en peinture, des œuvres qui vont du 14e au 16e, et avec des écoles flamandes et hollandaises des 16e et 17e, avec, vous avez là des Frans Hals, des Rembrandt, des Rubens. Et puis alors, pour ce qui est de l'école française, bien entendu, qui était la passion déjà du marquis d'Hertford, je vous ai dit combien cette famille anglaise était hyper francophile. Des Fragonards, des Bouchers, des Greuze, des Watteau, tout ce que vous voulez, des Poussins, plus savoir qu'en faire. Et je ne parle pas des écoles espagnoles, des Vénitiens, Canaletto, etc. Des écoles espagnoles, Murillo, Velázquez, etc. Enfin, il y a de tout là-dedans. Y compris même de très belles toiles anglaises, Gainsborough notamment. Il y a beaucoup de porcelaine également, de porcelaine de Saxe, de Meissen, de Sèvres évidemment. 137 vases, 80 théières, enfin bon, tout ça est incroyable. Et puis, et surtout, devrais-je dire, plus de 500 pièces de mobilier français du XVIIIe siècle, dont la célèbre commode de la chambre de Louis XV, dont aussi une collection fabuleuse de mobilier boule. Vous savez, ces mobiliers d'ébène incrustés de cuivre, avec des bronzes absolument fabuleux, avec de l'écaille, etc. Ces meubles sont aujourd'hui, bien sûr, à la Wallace Collection et ils constituent un ensemble, on peut dire, unique au monde. Alors, Wallace hérite tout ça. Il passe sa vie entre Londres et Paris, bien entendu. Il fréquente tout le milieu artistique et littéraire de l'époque. C'est un ami de Théophile Gautier, notamment, mais aussi de Delacroix, de Baudelaire, que je citais pour commencer l'émission. Il s'est imposé, on va dire, dans la bonne société française par la générosité dont il a fait preuve au moment du siège de Paris, au point qu'Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif, en 1871, lui décerne la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Vous voyez, mais en même temps, la reine Victoria lui donne le titre de First Baronet. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'establishment, on va dire, international de l'époque. Il entrera d'ailleurs au Parlement anglais en février 73. Il est commissaire anglais à l'exposition internationale de Paris en 1878, etc. Il va mener une vie très brillante et très active jusqu'à la mort de son fils par crise cardiaque en 1887. Et puis alors là, il retourne en France, il se retire dans le domaine de Bagatelle et il devient un peu l'ermite de Bagatelle. Vous savez, un homme d'ailleurs dont on disait qu'il était bourru, qu'il avait tendance à crier un peu sur son personnel, on ne le voit pas trop. C'est à Bagatelle qu'il meurt en 1890. Alors j'ai toujours entendu raconter que Richard Wallace voulait faire don de sa collection à la France, mais que ce legs avait été refusé par le gouvernement français. Et certains prétendent même que Wallace aurait demandé en échange, je ne sais pas si c'est d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, enfin quelque chose de ce genre qui lui aurait été refusé par le gouvernement anglais. C'est la raison pour laquelle il a fait de sa femme l'héritière de sa fabuleuse collection. Et c'est sa femme, c'est Lady Wallace, qui en 1897 va donner cette collection à l'État britannique et va faire de cette collection tout simplement la plus belle des collections londoniennes, alors que c'était, ne l'oublions pas, la première des collections parisiennes. Bonjour Jacques Garcia, dans un instant avec vous nous allons revenir bien entendu sur le sort de cette collection et puis nous allons parler d'autres collectionneurs dont vous-même, puisque vous êtes là avec nous, on va en profiter pour parler de champs de bataille bien entendu. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you. Bruxelles sur Europe 1 avec un extrait de Sarah Bond. Vous nous parlez, Franck Ferrand, des grands collectionneurs cet après-midi avec votre invité Jacques Garcia, grand collectionneur et décorateur. Eh oui, alors Jacques Garcia, j'ai sous les yeux l'extraordinaire ouvrage que vous venez de faire paraître chez Flammarion. Ça s'appelle 20 ans de passion autour du château du champ de bataille avec des centaines de photographies extraordinaires. Vous m'aviez demandé la préface de ce livre, mais je n'avais pas vu l'ouvrage réalisé. Je vous avoue, quand je l'ai reçu, d'ailleurs tout le monde ici dans le bureau s'est précipité, tout le monde a feuilleté ce livre incroyable. On se dit, mais comment est-ce possible? Alors moi, je sais comment c'est possible, parce que j'ai assisté à la constitution progressive de cette fabuleuse collection, mais évidemment, ça donne littéralement le vertige. Vous êtes à la tête aujourd'hui d'une merveilleuse collection. On va y venir dans un instant. Revenons peut-être avant cela à Richard Wallace et à ce don, à ce legs qu'il a fait à la couronne britannique, alors que l'État français aurait très bien pu récupérer cette collection qui était composée en grande partie de chefs-d'œuvre et de trésors français, en vérité. Oui, alors évidemment, c'est toujours, quand on est un peu cocorico comme moi, c'est toujours très désagréable de penser que les choses partent ailleurs, bien évidemment. En même temps, je crois que le pouvoir des objets, le pouvoir des chefs-d'œuvre est devenu une chose internationale, comme les langues, c'est la même chose. Et mon seul regret aurait été que des choses puissent revenir à Versailles, puisque je m'occupe particulièrement de Versailles, ou au Louvre pour certains chefs-d'œuvre. Or, tout ça est impossible, puisque quoi qu'il en soit, c'est des objets qui sont comme pour ceux de Chantilly, qui sont donnés à l'intégralité d'une collection et rien n'est divisible. Donc on n'aurait jamais vu les choses revenir à leur place initiale. Je pense évidemment à la commode de Gaudreau qu'on aurait rêvé de revoir dans la chambre de Louis XV, mais tout comme la commode de Riesner qu'on aurait rêvé de revoir dans la même chambre de Louis XV utilisée par Louis XVI et qui est à Chantilly, ce qui nous a d'ailleurs permis à Versailles d'inventer une autre histoire en mettant une substitution d'une commode équivalente commandée par Louis XVI pour sa chambre à Compiègne. Finalement, ces choses-là, elles sont pas évidentes au retour dans les grandes résidences royales. Alors, il faut évidemment revenir sur Versailles, on aura l'occasion de le faire tout à l'heure, mais puisque vous évoquez Chantilly, parlons du duc d'Aumale, qui donc est un des enfants de Louis-Philippe, c'est son troisième fils. À l'âge de 7 ans, il hérite du dernier prince de Condé, dans des circonstances d'ailleurs extrêmement douteuses. Décidément, il y a comme ça des zones d'ombre sur un certain nombre des grands héritages du 19e siècle. Le duc d'Aumale va devenir le très grand collectionneur qu'on sait, et à sa mort, donc à la belle époque, au tournant des années 1900, il fait don de l'intégralité de la collection du château de Chantilly à l'Institut de France. Oui, vous parliez de la bizarrerie des successions, oui. Comment ça arrive? Moi, je crois que c'est la force du destin. On ne peut pas lutter contre la force du destin. Tout comme Richard Wallace, qui a été finalement un collectionneur absolument fantastique, qui a su finir sur tout un, ça. Voilà, sur un fonds de collection qui existait déjà, bien sûr. Il a su l'améliorer, le peaufiner. Le duc d'Aumale, de la même manière, s'est installé, contrairement à ses frères et sœurs, dans le même système. Et peut-être est-ce que le prince de Condé avait visionné, on ne sait pas par quel miracle, l'idée de cette succession. Et je crois que, moi je me sens très proche du duc d'Aumale pour une raison assez simple. D'abord, c'est un collectionneur impulsif, c'est-à-dire que le duc d'Aumale collectionne tout. C'est pas un amateur d'un genre, c'est un amateur de tous les genres. Et il a les plus beaux livres du monde, les incunables, les mobiliers 18e, des sculptures fabuleuses, les plus belles tapisseries, des tableaux, évidemment, n'en parlons pas à perdre la tête, des objets scientifiques, il a de tout. D'ailleurs, on dit que c'était des oppositions terribles entre les Rothschild, du Dommage, ils achetaient par wagon. C'est-à-dire, ils n'achetaient pas un objet comme on peut le faire aujourd'hui. Eux, ils achetaient des wagons d'objets en Allemagne. Et puis triaient ensuite. Et après, on triait. Voilà, ça semble un monde complètement paradoxal, mais enfin, c'est comme ça que ça se passait. Et ils se battaient pas pour avoir un objet, ils se battaient pour avoir un wagon d'objets. Donc, c'est un peu différent. Et je suis d'autant plus sensible au duc d'Aumale que c'est, je crois, l'homme du détachement. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait... Il a une vie compliquée, l'exil, il revient. Un homme de guerre fantastique. Bon, oublions c'est tout ça. C'est l'homme de la Smalade Abdelkader. Et tout d'un coup, il a fait Chantilly, il a fini. Et il repart pour des raisons, parce qu'on l'oblige ou pas, peu importe. Il quitte la France, il s'installe en Sicile. Et il ne remettra jamais les pieds à Chantilly. Pendant, je ne sais plus, 10 ans ou 15 ans, peu importe. Oui. Ou peut-être 20. Mais c'est là la force du dépassement. il continue à acheter des objets pour cette maison, continue à placer de nouveaux objets sans les voir in situ. Et il ne les verra jamais en place. Avec un goût bien à lui. C'est-à-dire que ce qu'il y a de fabuleux dans ces collections, c'est qu'elles ont leur personnalité. On peut presque, lorsqu'on a vraiment bien l'habitude, savoir quand un objet est fait pour les Rothschild ou est fait pour les David Veil ou est fait pour un collectionneur donné, pour les Jacques Marandré, par exemple. Mais il y va de même au XVIIIe siècle. Oui, d'ailleurs. On reconnaît un siège de Madame du Barry, un siège de Marie-Antoinette, si on a un vague œil, tout ça, à partir du moment où c'est pas commandé par le garde-meuble, mais que ce sont des commandes directes des favorites ou de la reine, on voit les différences. Oui, c'est une question de goût, finalement. Il y a le filtre un goût du goût. Propre. C'est des gens qui avaient un goût déterminé. Alors, certains disaient que c'était moins bien. On disait bien que Louis XIV avait un mauvais goût et que son frère avait un goût extraordinaire. Mais enfin, ça, c'est avec le temps, tout ça s'étiole un peu. Il y a un goût bien particulier qu'on peut voir à Waddesdon Manor, qu'on voyait autrefois chez la baronne Elie de Rothschild, qui possédait toutes sortes de collections concernant Marie-Antoinette, notamment. C'est le goût Rothschild. Comment est-ce qu'on peut le définir, ce goût? C'est très particulier. Ben, moi, je dirais que le goût Rothschild, auquel j'ai été très très sensible, jeune, j'ai eu la chance, une chance incroyable, j'ai eu la chance d'assister à des dîners à l'hôtel Lambert, dans le service en sèvre vert, avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild. Ça, c'est des moments, alors, invraisemblables. Sur le plan de l'esthétisme pur, on peut même pas imaginer, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, j'étais très jeune, évidemment, donc ça m'a beaucoup marqué, ce genre de choses. Mais le goût Rothschild, je dirais que c'est l'abondance dans la sensualité. Et c'est ça qui fait la force de ce goût-là. C'est-à-dire que l'abondance, souvent, est dérangeante. Mais si on y met cette chose qui vous permet toujours de rêver à un être qui va débarquer, qui sera l'homme ou la femme de votre vie, ça s'appelle la sensualité. Et il y va de même pour les objets. Vous détournez l'œil. Et au détour d'un autre œil, vous découvrez l'objet de vos rêves. Et ça, c'est ça le goût Rothschild. Une poésie extrême, finalement, dans l'abondance, évidemment, dans l'extrême profusion. L'abondance et une abondance dans la connaissance. Parce que l'abondance sans connaissance, c'est toujours un peu difficile. Je crois qu'il y va de même pour le minimalisme. Le minimalisme sans une spiritualité extrêmement dense, ça s'appelle du misérabilisme, oui, tout simplement. Chose, oui. Alors que l'abondance, de la même manière, sans une connaissance extrême, ça devient évidemment extrêmement kitsch. Alors il y a une collection qu'on peut voir à Paris qui est ouverte au public dans un hôtel magnifique qui veut reproduire le style du XVIIIe siècle bien qu'il ait été construit en 1900. C'est l'hôtel de Camondo et la collection Nissim de Camondo. Alors là aussi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que bon évidemment gamin issu d'un milieu modeste la seule chance de pouvoir connaître tout ça c'était évidemment d'aller dans les musées musée d'État bien sûr mais une maison privée comme Camondo évoquait en plus de la qualité des objets exceptionnels d'une collection fantastique une manière de vivre. Un art de vivre, on pourrait dire ça. Comme l'aurait dit Talleyrand, qui n'a pas connu la fin du XVIIIe siècle, n'a pas connu la douceur de vivre. Voilà. C'est un petit peu la même chose. Et Camondo m'a servi d'exemple. Parce que j'ai essayé à champ de bataille, j'ai acheté une maison où l'architecture était un chef-d'œuvre, mais les intérieurs avaient malheureusement subi les avaries du temps. Et il s'agissait donc de rétablir un nouveau décor avec des décors anciens, certes, des boiseries d'époque, certes, comme un Camondo. Mais il ne faut pas se leurrer. À toute époque, on marque son temps du goût de son époque. Et je pense que Camondo est le reflet d'un goût du XVIIIe siècle en 1900, tout comme Champ de bataille restera plus tard le goût du XVIIIe siècle en l'an 2000. Eh bien, ce goût du XVIIIe siècle en l'an 2000, nous allons le redécouvrir grâce à vous. Nous allons nous promener dans ce château du Champ de bataille dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des grands collectionneurs avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jacques Garcia, grand collectionneur et décorateur. Alors Jacques Garcia, on dit toujours qu'on écrit ou qu'on publie le livre qu'on aurait aimé trouver tout écrit. Et là, c'est exactement, je crois, le cas. C'est-à-dire que quand on feuillette ce gigantesque, parce qu'il pèse combien, 3 kilos, hein, c'est un gros objet, hein. Quand on feuillette ce grand album en couleur, alors par exemple, je suis à la page du Salon d'Apollon, donc on a l'impression par les rideaux, hein, par les portières d'entrer dans un coin du salon, et puis on tourne, vous avez une double page immense qui montre l'ensemble des collections qui sont exposées là, avec au centre, dans la pliure, si je puis dire, Apollon et Daphné. Alors on a envie de voir ce bronze, et d'habitude dans la plupart des livres, eh bien on se contente de ça. Alors au mieux on a une loupe, mais bon, non, là on tourne la page. Alors d'abord on voit quelques pierres dures extraordinaires, des porphyres antiques, et puis vous avez le détail de la statue sur le fond du décor, tout à fait extraordinaire. Et la page d'après, vous avez un détail encore plus pointu qui permet de voir Daphné se transformant en laurier, hein, c'est extraordinaire. Et derrière, on aperçoit une toile du XVIIe siècle représentant le même sujet, Apollon et Daphné. Et quand vous retournez, vous avez encore la double page suivante où l'on a le détail du tableau. Bref, c'est un fantasme de collectionneur. Est-ce qu'on peut pas dire d'une façon plus générale que le château du champ de bataille, c'est votre fantasme à vous, c'est la réalisation dans la matière de tout ce que vous aviez dans l'esprit et depuis très longtemps? Alors, le champ de bataille, c'est l'aboutissement de deux maquettes. J'ai déjà eu la chance, à l'âge de 30 ans, d'acheter l'hôtel Mansart-Sagone, qui était donc la maison que Mansart avait construit près de la Bastille, à Paris. Hein. À la place de, pratiquement à place des Vosges, on peut dire. Et j'avais en province une maison de Hobro, un joli, charmant château, en Bourgogne. Donc les deux étaient des maquettes, si on peut dire, et m'ont amené vers ce goût du XVIIe et XVIIIe siècle, bien qu'ayant aussi le goût des choses contemporaines, etc. Et puis j'ai pris une option qui est une option contraire à ce que j'ai pu faire dans toute ma carrière pour les clients, puisque c'est ce qui est demandé. Je n'ai pas fait de mélange. C'est-à-dire, j'aurais pu prendre le parti, comme je l'ai fait chez plein de gens, de mettre des sculptures modernes dans les jardins, de mettre des tableaux modernes sur les murs. Et malheureusement, mon état de fortune me permettait pas de le faire. Car il faut dire très simplement que les objets qui sont là, présentés dans le livre, les tableaux qui vont avec, c'est Picasso et Matisse. Et j'en ai absolument pas les moyens. Donc j'ai pris un parti complètement inverse, qui consiste à faire ce que certains pourraient appeler ringard, et après tout, pourquoi pas, m'arrêter à la fin du 19e siècle et ne pas déborder sur le 20e siècle pour rester dans une équivalence de qualité et d'objets allant bien les uns avec les autres. Et en quoi c'est une chose très spéciale, champ de bataille? C'est 20 ans. Et quand je mets 20 ans, pourquoi? Parce qu'en 3 ans, j'avais fini le château. Et vous, Franck, vous l'avez connu fini il y a 17 ans. Et puis pendant 17 ans, j'ai repris pièce par pièce. Pendant 17 ans, cette petite maquette, un peu mal faite, un peu primaire, pour voir vers quoi aller, je me suis repris pièce par pièce, non-stop, en améliorant d'une part les décors, en les finissant, car pour des raisons même simplement matérielles, j'avais pas eu les moyens de redorer à l'eau, par exemple, une dorure, et simplement elle était comme elle était. Et petit à petit, j'ai repris et j'ai essayé d'assimiler les objets les uns aux autres pour les faire chanter, comme on peut le voir dans les grandes maisons en Angleterre encore, pour créer ou en Italie. Une harmonie et ce sentiment que la chose est à sa place. Et on ne peut pas substituer une chose à l'autre. Alors il y a deux... comment dire? Il faut éviter, lorsqu'on évoque ces grandes collections et lorsqu'on feuillette un livre comme celui-ci, il faut éviter deux écueils. Le premier, c'est de croire que tout n'est précisément qu'ordre et beauté. La constitution d'une collection, ce n'est pas seulement du plaisir et de la jubilation. Ce que j'ai pu voir, moi, et ce que vous dites constamment, c'est que c'est aussi de la douleur. Il y a une souffrance du collectionneur. Terrible. C'est terrible parce que d'abord, le rapport au manque, c'est exactement comme en amour. Vous rêvez d'un amour absolu et puis vous ne l'avez pas et vous savez qu'il existe. C'est ça le plus dur. Mais pour des raisons souvent matérielles, vous ne pouvez pas y accéder. Un peu comme en amour d'ailleurs, c'est un peu pareil. Et finalement, c'est une souffrance et de temps en temps, la chose vous arrive. Je crois à la force du destin des objets. Je crois que les objets, si vous les rêvez, si vous voulez, je suis avant tout un schneider, moi je suis pas un acheteur. Je suis quelqu'un qui achète dans les brocantes, j'ai des antiquaires, dans des foires à tout, toutes ces foires pour les antiquaires. Et souvent, la découverte arrive. Imaginez par exemple, un jour je vais à Rouen, chez un antiquaire, plutôt connu. J'arrive dans la vitrine à 20 mètres, je vois le pare-feu de la chambre de la reine Marie-Antoinette à Versailles. D'abord, à 20 mètres, je pense qu'il est faux, bien évidemment. Je m'approche de la vitrine, je connaissais le pare-feu par cœur, puisque le mobilier était dans la chambre de la reine. Il était dans une dorure affreuse du 19e, comme l'était le mobilier qui était à Versailles et qui avait été redécapé pour être mis en bleu et blanc. Je demande à l'antiquaire combien. Il me donne un prix 3500 euros, puisque c'était le début des euros. Je lui dis combien, il me dit 3000 euros. Puis il me dit, elle est jolie la dorure. Et là je lui dis, ah non, la dorure elle est moche. C'est peint en bleu et blanc en dessous, ça peut pas être comme ça. Et je sors. Et je repasse une demi-heure après pour prendre mon objet que j'avais payé. Et là, je vois ce monsieur et sa fille devant la porte qui fait « Mais comment vous saviez que c'était bleu et blanc ?» Ils avaient gratté un peu, ils avaient vu qu'en dessous c'était bleu et blanc. Et je lui dis tout simplement ce que c'est le pare-feu de la chambre de Marie-Antoinette. Et voilà. C'est la force du destin. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas, alors il faut évidemment beaucoup d'argent, ne mentons pas aux gens, il faut beaucoup d'argent pour constituer une telle collection, mais ce n'est pas la seule clé. C'est-à-dire qu'il faut surtout une très grande connaissance du sujet et un amour total de l'objet, en fait. Ça va bien au-delà des moyens, ça. Hein. Oui, alors déjà, dans mon cas, c'est 45 ans d'achat. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, la masse d'argent, elle se répartit. Parce que souvent, on m'a posé la question, mais d'où vient l'argent? Ben, je vais vous répondre très simplement. 40 ans de succès dans mon job, point. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis là. Donc, il n'y a pas de secret, j'ai payé l'impôt qui va avec. Donc, c'est assez simple. Mais, donc, comme ça rectifie tout ce qu'on pourrait penser. Mais encore une fois, je me suis souvent placé plutôt comme chineur que comme acheteur. Malheureusement, je n'ai pas les moyens d'acheter les photos couleurs de Christie's et Sotheby's, même si j'en rêve, et je conseille d'ailleurs aux gens extrêmement riches de le faire, parce que ça leur apportera des satisfactions phénoménales. Mais en fait, on peut, même à un niveau plus modeste, et ça vous l'avez souvent dit, écrit, démontré, on peut aussi constituer de belles collections avec, bon là nous parlons de mobilier royal évidemment, de grande argenterie, de porcelaine de Sèvres, comme on peut voir à champ de bataille, c'est-à-dire dans des quantités phénoménales, bon là évidemment, mais on peut aussi plus modestement constituer de belles collections dites d'esprit en fait, c'est ça, il faut pas le négliger, hein. C'est ça aussi, la collection. Mais par exemple, Franck, vous avez connu le rez-de-chaussée de champ de bataille avec une salle à manger et un salon. Bon, dans lequel on vie en permanence, en dehors des pièces du premier étage. Et vous vous rappelez, la première pièce était un herbier. Voilà, par exemple. Avec des oiseaux empaillés dans la seconde pièce. Ben ça, c'était 20 francs, 50 francs, 30 francs, 50 francs, à force de foire à tout de Normandes, les unes après les autres. Le tout arrangé avec un peu de chic, ça ne vous ruine pas. Et pour autant, ça donne... Vous savez, j'avais eu une émission en direct avec Arlette Laguiller. J'étais venu pour parler des riches et elle était venue pour parler évidemment des pauvres. Donc la confrontation était un peu difficile. Puis à un moment, le journaliste, voulant faire le malin, dit, mais puisque vous dites qu'on peut tout faire pour rien, je vous donne la décoration de Madame Laguiller, que feriez-vous? Et puis je me concentre un peu, puis je la regarde, et puis j'irai chez Ikea, j'achèterai des étagères, les plus simples, et puis fatalement, pour en être là où elle en est, Madame Laguiller a beaucoup lu, ben, je courirai mes étagères de livres, et elle aurait la plus jolie maison du monde. Et d'ailleurs, je crois qu'elle avait approuvé. Hein, et elle a répondu, c'est exactement ce que j'aime. Voilà. Alors quand on feuillette cet incroyable livre qui s'appelle 20 ans de passion, je pense que c'est explicite, sur le château du champ de bataille, avec des textes d'Alain Stella et des photographies très nombreuses d'Éric Sander, et qui sont magnifiques ces photographies, on voit la maison en toute saison, parce qu'on n'est pas seulement dans les intérieurs, on va aussi dehors, et l'on voit l'incroyable travail que vous avez pu faire sur le paysage, en créant un gigantesque jardin, je sais pas si on peut dire à la française, ou alors c'est un jardin à la française, version 21e siècle d'une certaine façon. Alors, le jardin, c'est une histoire qui a démarré avec la tempête. J'avais un dessin de Le Nôtre pour champ de bataille, ou attribué à Le Nôtre, et fort de ça, l'idée était de rétablir vaguement la petite dentelle. Puis, j'achète en 92, en 93, la force du destin, là encore, veut que ce soit le contraire, tous les arbres tombent, et il ne reste plus rien de ces gros arbres un peu fatigués du 18e ou d'un jardin à l'anglaise. Je démarre avec ça, je recrée ce grand jardin, ce grand axe. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'après, les choses se sont compliquées. Et c'est grâce à Patrick Potier, qui m'a beaucoup aidé depuis 10 ans, qui a un talent fou et qui m'a permis d'amener toutes ces fantaisies qui sont autour de ce grand axe à la française. Merci beaucoup Jacques Garcia. 20 ans de passion, le château du champ de bataille d'Alain Stella et Eric Sander, c'est édité chez Flammarion. C'est une véritable promenade et puis on peut aller la faire, la vraie promenade entre Louviers et Évreux au château du champ de bataille dans l'Eure. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, aujourd'hui à François sur l'origine des crèches de Noël. Hein, vous deviez le faire hier. Et puis à Nanou, qui aimerait connaître l'origine des 13 desserts provençaux. Et Nanou, que j'ai nommé ainsi tout à l'heure et qui nous fait savoir par le standard qu'elle s'appelle Marie-Antoinette. Alors nous la saluons, Marie-Antoinette, qui est notre reine du jour, si je puis dire. Alors, la crèche de Noël, vous savez, crèche, déjà, la crèche, c'est l'endroit où les animaux, c'est la mangeoire destinée aux animaux. C'est ça au départ. Hein. Et on dit que Marie avait déposé l'enfant Jésus dans la crèche de l'étable, d'où le nom. Peu à peu, la crèche est devenue le synonyme de le lieu de naissance, de lieu de la nativité. C'est au XIIIe siècle, c'est en 1223 que Saint François d'Assise a l'idée de reconstituer une première nativité grandeur nature. C'est l'origine de la crèche. Et puis, petit à petit, on va se mettre à faire des représentations de cette crèche de plus en plus petite. Le modèle réduit fait son apparition au XVIe siècle, semble-t-il, à Prague et sous l'impulsion des jésuites qui vont comprendre l'importance que peut avoir cette crèche pour le rayonnement de la religion. Et puis petit à petit, eh bien, on va se mettre à fabriquer des petits objets, des petits santons, notamment en Provence. Vous savez bien, ça c'est l'apparition des premiers santons au XVe siècle en Provence. Alors, probablement à la même époque, même si nous n'avons pas réussi à trouver exactement à quel moment, dans cette même Provence, on se met pour fêter Noël au moment du réveillon, après la messe de minuit. Vous savez, à l'époque, c'était après la messe de minuit. On se met à faire ces desserts, ce qu'on appelle les 13 desserts, qui sont servis pour montrer en quelque sorte l'opulence d'une famille, mais aussi sa générosité. Alors, il représente ces 13 desserts, pense-t-on, les 12 apôtres plus le Christ, d'une certaine manière. Alors, il y a là-dedans toutes sortes de desserts, évidemment des mendiants, vous savez, ça c'est délicieux, hein, avec du chocolat dans lequel on met toutes sortes de fruits secs, etc. Alors, vous avez les franciscains, les dominicains, les augustins, bref, tous les ordres mendiants qui avaient la couleur, en fait, de ce dessert. Et puis, des oranges, bien entendu, du nougat blanc et noir, des calissons d'Aix, enfin, n'en jetez plus, ça ressemble bientôt ça ressemble bientôt au conte d'Alphonse Daudet, ce que je vous dis maintenant. Voilà l'origine des 13 desserts. Vous voyez que finalement, j'y suis arrivé, j'ai réussi à répondre aux deux questions. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, je vous emmène dans les cabinets des thérapeutes de couple. À quoi ça sert une thérapie de couple? À qui ça s'adresse? Quels sont finalement les résultats de cette thérapie? Les réponses des experts Europe 1, j'attends vos questions et vos témoignages au 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr, c'est gratuit. En quelque sorte, ce sont les bonnes résolutions de la rentrée. Merci. Merci on beaucoup va, Elena. Ben, nous, on n'a pas besoin de ça. Non. Nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.